Chapitre septième. Et la vie reprend. Patrick reprit peu à peu pied dans la réalité. Il ne mourrait pas. Ceux qui le soignaient en avaient décidé autrement. Et lui trouvaient toujours quelques bonnes choses à manger, lui parlaient, l'encourageaient. Un matin enfin, il se leva et sortit du Hogan tout engourdi. Il partit faire quelques pas. Le sentier qui menait à la source était bordé de fruits et de fleurs en abondance, alors qu'ailleurs, on se serait cru en plein désert. Les Navarros y passaient sans cesse, et toujours un membre de la tribu le saluait ou même s'arrêtait pour lui poser une main sur l'épaule en gage d'amitié. Patrick s'émut. Ces gens ne le connaissaient même pas, et pourtant ils étaient tous solidaires de sa grande douleur. Et le temps passa. Les trois fils de chevelure d'argent lui apprirent quelques semaines plus tard à chasser le bison à cheval, ce qui, de prime abord, paraissait simple et qui, Patrick en fit la constatation bien vite, était en réalité beaucoup plus compliqué. La tâche des femmes de la tribu était de s'occuper à découper la viande des bisons, tanner les peaux en les mâchant ensuite pour en assouplir le cuir. Elles extrayaient et perçaient les os, qui leur servaient à coudre les peaux entre elles pour s'en servir comme couverture si chaude l'hiver, et en faire des mocassins si souples et pourtant si solides, ainsi que toutes sortes de vêtements. Le reste servait, après le polissage, à des peignes de toute beauté et finesse qu'elles s'échangeaient entre elles. L'arme de pluie avait fait boire son eau à Patrick pendant deux longues lunes. Celui-ci désormais mangeait à satiété, chassait avec ses frères, mais prononçait rarement une parole. La jeune indienne, bien que quelquefois découragée, persista dans son dévouement. Lorsqu'elle arrêta la potion, Patrick parut sortir d'un rêve éveillé. Il regarda autour de lui et s'aperçut que finalement, tous les membres de cette tribu avaient contribué à le maintenir en vie. Les uns ramassant du bois pour son feu, d'autres chassant et faisant sa cuisine et ses vêtements. Et aucun ne se plaignait ou le faisait avec déplaisir. Pourtant, il n'était pas de la tribu. Il aurait fallu que le jeune homme soit bien peu reconnaissant à présent qu'il allait mieux, s'il n'offrait pas sa contribution à la vie du camp. Bien sûr, chasser à cheval n'était pas une chose simple. Il n'avait jusqu'à présent jamais réussi à attraper quoi que ce soit, si ce n'est des courbatures, à force de chute. Ce sacré animal n'en faisait qu'à sa tête. Les éclats de rire de Bison Ardent avaient piqué plus d'une fois sa fierté. Il se promit qu'un jour prochain, il viendrait à bout de ce cheval récalcitrant et leur montrerait ce dont il était capable. La vie s'organisa peu à peu et reprit son cours pratiquement normal pour les Navarros. Ils avaient adopté Patrick depuis le premier jour et, aujourd'hui, Chien Hurlant faisait corps avec la tribu. L'arme de pluie fut soulagée de voir que le jeune homme n'avait aucune intention de les quitter. Jamais plus il n'avait parlé de sa famille, mais elle savait que la nuit, il allait se recueillir sur les tombes de ses proches. Elle le surveillait en alternance avec Perle de Lune, mais se réservait les meilleurs moments. Ceux où il pouvait être seul, bien qu'ils ne se parlassent pas. De toute façon, Perle de Lune était promise à Œil de la Nuit. L'arme de pluie, elle pensait qu'après avoir fait le deuil de cette terrible tragédie, elle saurait bien se faire aimer de lui. L'hiver fut rude en cette année de 1863. La neige recouvrit la plaine. Le gouvernement des Blancs repoussait les tribus indiennes de plus en plus loin. Les raids des Apaches entraînèrent d'autres peuples et même les Navarros combattirent avec acharnement. Pendant cinq longues années, Patrick travailla d'arrache-pied pour oublier son terrible drame. Et en l'hiver 1868, un autre événement allait scinder la tribu des Navarros en deux. Ce fut la longue marche. Des centaines de femmes, d'enfants, de vieillards affaiblis, moururent tout le long du chemin. Les Blancs parquèrent les Indiens à Fort Worth, du côté du Nouveau-Mexique. Lorsque Chevelure d'Argent fit part à Patrick de leur prochain départ, celui-ci ne dit rien. Il rentra dans son Hogan et réfléchit longuement. Il ne pouvait laisser faire ça. Ses frères, car il les considérait désormais comme ses frères, l'avaient sorti de sa torpeur, lui avaient sauvé la vie, l'avaient aidé comme sa propre famille l'aurait fait. Le gouvernement était intransigeant. Il ne restait que 120 individus, et avec l'hiver et la neige, combien mourraient encore en route. Vieux sage, le père de chevelure d'argent, qui ne marchait plus et qui allait dans sa 100e année, ne pourrait résister à cet exode. Les enfants venant de naître, leur mère si fragile, et tous les vieillards. Non, c'était impossible. Après plusieurs jours d'intense réflexion, Patrick eut une vision. Du moins, c'est comme cela que l'appela l'arme de pluie. Oui, pour lui, la solution était là, si proche. Comment ne pas y avoir pensé plus tôt? On ne voit jamais immédiatement ce qui pourtant crève les yeux, disait Bison Ardent. Il demanda à Chevelure d'Argent de réunir toute la tribu pour lui exposer son plan. Mes amis, mes frères, je voulais avant tout vous remercier de m'avoir sauvé deux fois la vie. Je n'avais pas encore eu la possibilité de vous le dire à tous. Désormais, c'est chose faite. Je vais juste essayer de vous rendre toutes les bontés que vous avez eues envers moi. Je voulais vous donner ma terre, enfin votre terre. Il me semble normal qu'elle vous revienne enfin, après que vous en avez été dépossédé si injustement. Bien sûr, la parcelle que m'a accordée le gouvernement n'est pas aussi grande que votre territoire, mais je ne peux pas travailler cette parcelle tout seul. Vous m'avez aidé pendant ces 5 longues années, et nous avons tous ensemble engrangé tant et tant de moissons que nous avons réussi à nourrir toute la tribu tout le long de l'année, et même à faire quelques bénéfices. Nous avons reconstruit ma petite maison, ainsi que la resserre, et bien que j'arrive à vivre parmi vous dans mon hogan, je dois dire que je me sens plus à mon aise dans ma petite maisonnette. Nous avons un beau poulailler, et nos réserves sont plus que satisfaisantes. Je vais donc demander au gouvernement de m'allouer une ou deux autres parcelles, et également leur dire que je veux vous garder en tant que travailleur sur mes terres, qui seront bien sûr les vôtres. Qu'en pensez-vous, mes amis? Je ne veux pas vous perdre, et je pense que la solution est là. Nous continuerons à prospérer à force de travail, et nous finirons par racheter une partie de votre si beau territoire. Chevelure d'Argent secoua sa noble tête, se leva et s'adressa à sa tribu. Voilà, aujourd'hui nous savons pourquoi le grand esprit nous a envoyés chiens hurlants. Bien sûr, nous ne sommes pas des cultivateurs, mais les temps changent, et le peuple navarro doit s'adapter, sous peine de disparaître, comme tant de nos frères déjà. Nous devons entendre les paroles de chiens hurlants. Il congédia la tribu et se retournant vers Patrick. Tu nous donnes beaucoup d'espoir, mon fils, et si le conseil des sages accepte ta solution, cette terre restera à toi et à tes descendants à jamais. J'en ai décidé ainsi. Il n'y avait plus rien à ajouter. Chevelure d'Argent était un chef juste et incontesté, et tous les membres de la tribu suivraient son avis. Ainsi fut fait. Patrick revint avec les papiers lui donnant droit à 2 parcelles supplémentaires et l'autorisation de faire travailler les Navarros sur ces terres. Aux premières pousses et bourgeons du printemps, toute la tribu se mit à pied d'œuvre. Ils défrichèrent d'abord, puis passèrent la charrue. Bison Ardent et ses frères s'attelant eux-mêmes à l'engin agraire, ne voulant à aucun prix y atteler les chevaux. Le travail fut harassant, et le soir ils mangeaient à peine, tombant de sommeil sitôt couchés. Les Navarros continuaient cependant à chasser le bison, à cueillir les baies et à exécuter tous les petits travaux de tannage des pots, de réfection des hoganes. Les récoltes cette année-là furent plus qu'abondantes, et quand toutes furent engrangées, Chevelure d'Argent décida d'une grande fête. On avait déjà beaucoup bu. Œil de la Nuit avait sauté par-dessus le feu plusieurs fois de suite pour prouver son courage et avait demandé à Chevelure d'Argent la permission d'emmener Perle de Lune dans son hogan. Le vieux chef avait regardé sa fille et d'un sourire complice avait accordé la demande. Perle de Lune et Œil de la Nuit étaient officiellement considérés comme mariés. Bison Ardent, Loup Fougueux et Chien Fou, complètement ivres, entraînèrent Patrick dans une folle sarabande autour de l'unique feu de camp. Ce dernier avait la tête qui lui tournait et ne savait plus très bien ce qu'il faisait. Il sauta ainsi par-dessus les flammes et atterrit aux genoux de l'arme de pluie. Celle-ci éclata d'un rire frais qui remua le cœur du jeune homme. Aussi voulut-il réitérer son petit exploit. Chevelure d'Argent s'interposa aussitôt. Chien hurlant ne connaît pas la signification de ce geste. C'est en quelque sorte comme Œil de la Nuit l'a fait pour ma fille Perle de Lune, une demande en mariage. Au mot « mariage », Patrick reçut une décharge. Son ivresse s'estompa brutalement. Il se prit la tête entre les mains et partit en titubant vers sa cabane. Voyant la tristesse encore si profonde en lui, l'arme de pluie eut très mal. Il n'oublierait donc jamais sa femme, se dit-elle, après 5 longues années. La blessure avait encore l'air si fraîche. Elle s'avança lentement vers la maisonnette du jeune homme. Lorsqu'elle frappa timidement à la porte, aucune réponse ne lui parvint. Ayant soudain très peur que Patrick ne fasse une bêtise, elle poussa la porte et entra. Il était assis, face à elle, sur le lit qu'il venait de se construire, et la regarda. « Que fais-tu ici ? Ton père nous tuerait s'il savait que tu viens me rendre visite chez moi. Je t'en prie, larme de pluie, rentre chez toi. Tout va bien à présent. » La jeune fille ne fit pas un geste. Elle était comme hypnotisée par Patrick. Ses yeux si bleus, si tendres, son corps devenu si fort, si puissant depuis qu'il chassait régulièrement et cultivait la terre avec ses frères. Elle aurait voulu avancer une main et caresser son visage, son torse, et tout en l'imaginant, sa main avait suivi le cours de sa pensée et touchait presque le jeune homme. Patrick était tétanisé. Jamais auparavant, il n'avait remarqué combien l'arme de pluie était belle. Son corps, cette silhouette parfaite, ses longs cheveux noirs brillants qui arrivaient jusqu'au bas de ses reins, ses yeux doux de fang qui scintillaient et brûlaient son corps déjà enfiévré. Il se leva d'un bond et prit la jeune fille dans ses bras. Il huma le parfum de fleurs épanouies que la jeune indienne écrasait pour s'en enduire tout le corps. Ce parfum grisa un peu plus le jeune homme. Sa bouche descendit doucement le long de son cou jusqu'à la naissance de sa gorge, parsemant la peau de la jeune fille de milliers de frissons. Puis se redressant, il prit sa bouche. Leur baiser fut d'abord très tendre, mais le feu incendia ses veines. Il resserra son étreinte et sa langue plongea plus profondément pour se mélanger à celle de la jeune fille. Ses mains enfin se posèrent sur son corps de liane et commencèrent à dénouer fébrilement les lacets de cuir qui retenaient sa robe. Un coup violent fut frappé à sa porte. Brutalement revenu à la réalité, il repoussa l'arme de pluie qui vacilla et finit par tomber sur le lit. Entre-temps d'une violente poussée, la porte s'ouvrit. Dans l'encadrement, furieux, apparurent chevelure d'argent et bison ardent. « Qu'as-tu fait, chien hurlant ? Qu'as-tu fait à ma sœur ?»« Rien, absolument rien, » dit cette dernière, se relevant d'un bond. « J'ai trébuché et suis tombée sur le lit. Heureusement, son frère lui coupa la parole. « Et ta robe s'est ouverte toute seule, bien sûr, » glapit ce dernier d'un ton rogue. « Chien hurlant, si tu n'épouses pas ma sœur immédiatement, je te tuerai. » « Du calme, mon fils, » intervint chevelure d'argent. « Peux-tu vraiment me confirmer que ma fille n'a pas menti pour te couvrir ?» Patrick resta muet quelques secondes. « Non, c'est faux. Si vous n'étiez pas arrivé, nous serions certainement ensemble dans ce lit. »« Tu vois, j'avais raison, père, » reprit Bison ardent, plus que furieux. « Je vais le... Attends, mon fils, attends. »« Que veux-tu faire, chien hurlant ?»« À présent, la réputation de ma fille est ternie. Plus aucun homme ne voudra l'épouser. » Je vous la demande en mariage, chevelure d'argent. » Ces mots résonnèrent dans sa tête. Jamais il n'avait pensé qu'un jour il se remarierait, jamais. Mais est-ce de l'amour ou seulement le feu de son corps? Il aimait bien l'arme de pluie, mais en était-il amoureux? Il eut une fameuse surprise quand la jeune fille tint tête à son père. « Non, cria-t-elle, non, moi je ne veux pas l'épouser. Il ne m'aime pas, et je n'épouserai jamais un homme qui ne m'aime pas. Je préfère rester seule à jamais. » Mais enfin, ma petite sœur, essaya de raisonner Bison ardent, ce que père a dit est vrai. Jamais plus après ce scandale, un homme ne voudra faire de toi sa femme. C'est révoltant. Moi qui te considérais comme mon propre frère, je te défie, et si tu perds, tu devras partir à tout jamais. Non, se récria encore l'arme de pluie, je ne veux pas cela non plus. C'était ma faute entièrement. Je l'ai provoqué, c'est moi qu'il faut punir. Pendant tout ce temps, Patrick réfléchissait. Il regardait la jeune femme si belle qu'il aimait, essayer encore une fois de lui sauver la vie. Qu'aurait-il pu faire face à Bison ardent? La puissance du jeune Indien allait l'anéantir, d'autant plus qu'il était bien décidé à refuser la lutte, se battant à mort avec son propre frère. Il essaya d'analyser ce qu'il ressentait pour l'arme de pluie. Était-ce vraiment plus que du désir, cette fièvre qui lui coulait dans tout le corps dès qu'il la regardait? Il aurait aimé la toucher et rêvait encore de l'embrasser, de la déshabiller, de sentir son corps si chaud contre le sien brûlant. Il aurait voulu lui faire l'amour tout de suite, tout le temps. Il l'aimait. Se tournant vers la jeune indienne, le regard fixé au sien, il lui déclara enfin: « Je t'aime, larme de pluie. J'aimerais que tu acceptes de devenir ma femme. »